adieu. Tu l'écris tout en bas. Celui-là, je sais maintenant qu'il n'existe pas. Adieu. Même pour toi, j'y crois pas. Dieu laisserait pas écrire des choses comme ça. Je prierai qui tu voudras, Mahomet ou Jéhovah. Si je dois marcher au pas, d'autres le font pour Allah. Tu peux me dire à genoux devant Bouddha ou Vishnu. Je prierai celui-là qui te ramènera chez nous. Même pour toi, j'y crois pas. Je laisserai pas écrire des choses comme ça. Pourquoi pas va au diable et rendez-vous en enfer. Ton adieu, il est minable, Dieu a sûrement mieux à faire. Est-ce qu'il a si bon dos pour cautionner tes missives. T'assumer tout d'en haut. En attendant qu'on arrive. Adieu. Tu l'écris tout en bas. Celui-là, je sais maintenant qu'il n'existe pas. Adieu. Même pour toi, j'y crois pas. Je laisserai pas écrire des choses comme ça. Celui-là te ramènera chez nous. Adieu. Tu l'écris tout en bas. Celui-là, je sais maintenant qu'il n'existe pas. Adieu. Même pour toi, j'y crois pas. Je laisserai pas écrire des choses comme ça. Adieu, adieu, je laisserai pas écrire des choses comme ça.